les blés sommir l'horizon d'azur lorsque les fleurs sont plus belles. On entend monter tout à coup la chanson joyeuse du coucou près du clair ruisseau au bord des roseaux. Mimi chérie, écoutons cet oiseau. Chante le coucou, l'amour est partout. Coucou, c'est gentil comme tout. Passons des rossignols, vont les fous. Tire-les, tire-les, tire-les. Dans les bois, nous crient de charmants coucous. Les jeunes filles le soir viennent voir le loup. On chante le coucou pour vous comme pour nous. Coucou, c'est gentil comme tout. L'amour est partout, coucou, c'est gentil comme tout. Passons des rossignols pour les fous. Tire-lis, tire-lis. Dans les bois de fruits de charmants coucous, les jeunes filles le soir viennent voir le loup. Quand chante le coucou pour vous comme pour nous. L'amour est partout.